Vendredi 24 mai 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler évidemment, comme à chaque semaine, de l'univers du 9e art. Et cette semaine, le 9e art prendra également des consonances à saveur de science-fiction, puisque ce sera la thématique qui reliera ensemble nos deux entrevues de cette semaine. Alors, on recevra notamment en deuxième partie d'émission Francis Desharnais et Pierre Bouchard autour de la troisième partie, troisième tome de leur série Motel Galactique chez Pow Pow. Également, tout à l'heure, on va avoir le plaisir de discuter avec David Gauthier et Rémi Paradis. Question de porter un regard sur le volume 3 du recueil Zidara 9 qui a été lancé à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Donc, on est un peu en mode rattrapage, mais on tenait à vous en parler. Et donc, on le fera avec deux des auteurs et l'éditeur du recueil. Également de passage, Marco Duchesne avec ses commentaires BD. Et également, puisqu'on est à l'avant-dernière émission de la saison 2012-2013, eh bien, il nous apportera aussi quelques suggestions de lecture BD en route vers l'été, car oui, l'été arrivera, malgré la température plutôt morne qu'on a eue ici à Québec au fil des derniers jours. Côté actualité, un petit élément qui m'a fait sourire d'une certaine façon et qui m'a rappelé également une bande dessinée dont on avait eu l'occasion de vous parler ici à La Vie en BD, il y a de ça plusieurs mois, c'était à notre première saison, une BD chez Casterman qui s'appelait Zara's Paradise, qui était dans le fond une version francophone et papier d'une bande dessinée qui avait été d'abord diffusée sur Internet, une BD qui s'intéressait aux manifestations qu'il y avait eu en Iran suite à une élection qui avait été qualifiée de volée par plusieurs observateurs à l'interne et à l'externe, et des manifestations qui avaient mené à moult disparitions également. Et dans le récit Zara's Paradise, on suivait une mère et son fils à la recherche de l'autre fils, celui qui était allé à ces manifestations et qui n'en était jamais revenu. La bande dessinée qui se livrait à nous un peu à la manière d'un jeu de piste où on allait de lieu en lieu, hôpital, prison, tribunal, morgue, pour essayer de trouver la vérité, pour essayer de savoir si le fils est vivant et s'il ne l'est pas, ben où est son corps, où est-il enterré, pour pouvoir peut-être faire la paix avec, à tout le moins, sa disparition. Évidemment, une bande dessinée qui avait été faite et lancée et proposée pour un peu déstabiliser peut-être le régime qui était en place, pour le dénoncer, à tout le moins pour dénoncer la manière par laquelle il se jouait de la vie des gens, le manque de respect peut-être qu'il avait envers cette vie. Et donc, c'est une BD qui avait été proposée, qui avait été reçue quand même assez positivement, quand même assez classique, certes, mais bon, il y a un sujet coup de poing là-dedans, qui avait été rédigé également par des auteurs sous pseudonyme pour éviter des conséquences politiques à leur famille autour, justement, de ce produit-là. Et donc, ça, c'était 2010-2011. On se retrouve en 2013. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Eh bien, c'est que il y a donc une campagne Internet qui a été lancée par les créateurs, on l'imagine, de la série, et qui propose ni plus ni moins leur héroïne Zara à la présidence de l'Iran. Donc, tout ça dans une campagne qui dénonce, évidemment, les écarts politiques du régime iranien, selon eux, et qui propose, justement, un questionnaire, entre autres, autour de la légitimité profiter du régime, de ses écarts et de reste, donc il fait appel à la participation des internautes, et tout ça en lien avec la bande dessinée qu'ils ont proposée, et dans le cadre de la campagne présidentielle qui court présentement en Iran. Donc on a ici un bel exemple d'une BD à saveur politique dont les auteurs ont choisi justement de s'engager plus avant, au-delà de la production même du matériel, pour s'intégrer ni plus ni moins dans une campagne présidentielle, dans un contexte qui ne leur est, on l'imagine, pas très très favorable non plus. Alors en fait, le site c'est voteforzara.org, et si vous voulez avoir un peu plus d'informations, j'en parle aussi sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, cela étant dit, on va maintenant se lancer avec un premier extrait musical pour l'émission de cette semaine. La formation qui nous suivra au cours de la prochaine heure, ce sera Diade, tiré de leur album éponyme. On écoute un premier extrait de Baconing Enslaved. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur nos menus, l'actualité BD, il y a toujours notre page Facebook, facebook.com, La Vie en BD. Et là-dessus, ben, tel que mentionné en ouverture, on s'intéresse au volume 3 du recueil Zidara 9, un regroupement de BDistes québécois qui publie une anthologie de science-fiction d'une centaine de pages une fois par année. Et donc, cette centaine de pages est arrivée en avril dernier. Et pour porter un regard là-dessus, on est en compagnie de l'éditeur du recueil, qui est également auteur dans le recueil, Rémi Paradis, bonjour. Salut Raymond. Et d'un des auteurs du recueil également, David Boucher, bonjour. Gautier. David Gautier, pardon. David Gautier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et Rémi, en fait, d'emblée, on le mentionne, troisième recueil pour Zidara 9. Est-ce que tu es content d'en être rendu là, que le projet, j'ai l'impression, a bien progressé aussi au fil des trois dernières années? Oui, oui, oui, ben ça s'est agrandi, puis j'ai réussi une fois de plus à trouver de nouveaux auteurs pour ce volume-là, puis vraiment varier l'univers de ces volumes-là. Le recrutement va de mieux en mieux, dans le fond. Oui, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Ben l'appel a été entendu. En fait, c'est surtout des contacts que j'ai faits au cours d'événements, puis de jam en bande dessinée, puis c'est là que j'envoie l'appel, puis je les intéresse à participer à ce projet-là. Oui, parce qu'en fait, on sent, puis c'est difficile, en fait, de passer à côté dès qu'on est un peu dans la sphère BD. Zidara 9 est un peu partout, les festivals, les rencontres de science-fiction, autant que d'autres éléments. Donc, il y a une volonté de le faire découvrir qui était présente dès le départ. Hein. Oui, ben c'est à leur avantage, aux personnes qui participent à notre collectif. Ça leur fait une bonne plateforme pour se faire connaître, puis donner une première expérience d'édition, genre si on veut, d'être publié, ce que c'est tous des nouveaux auteurs, encore une fois, bien souvent. Puis c'est ça que tu vas les chercher, entre autres. Et David Gautier, est-ce que c'est justement le désir d'expérimenter avec la publication une première fois qui t'a amené vers Zidara 9? Oui, oui, j'avais envie de voir c'est quoi que ça avait de l'air ailleurs. Quand j'ai commencé ma bande dessinée, j'avais commencé à Bécomo, je connaissais personne là-bas qui faisait de la bande dessinée. C'était vraiment, je travaillais en hermétique. Puis ensuite, j'ai retourné à Québec parce qu'avant, je restais là. Mais là, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans le milieu de la bande dessinée à Québec, puis à regarder ce qui se faisait ailleurs. Puis c'est au cours du lancement du Bob que j'ai rencontré Rémi. Puis là, je me suis dit, ah, ça c'est quelque chose que je connais pas. Ben, je vais aller voir. Je vais aller me lancer là-dedans. Il cherchait du monde pour faire des petits paquets de 8 pages. Je me suis dit, je n'ai jamais fait. J'embarque. Comme aujourd'hui, il m'a dit « S'attends-tu d'aller faire de la radio? » « Oh ouais, je sais pas c'est quoi, ça fait que j'y vais. » Et justement, en fait, parlons du recueil du volume 3. Tu le disais d'emblée, Rémi, c'est un recueil extrêmement varié. En fait, on a de la science-fiction d'anticipation, format plus classique, on a des récits d'action, des récits humoristiques. Est-ce que c'est important, c'est essentiel pour un recueil, justement, d'avoir cette variété-là, de pas répéter le genre d'histoire en histoire? Non, c'est vraiment bien d'avoir quelque chose de varié, puis d'essayer... en fait, que la personne qui le lit, ben, qui ait différentes expériences, en tout cas. Ce volume-là, on peut déjà le sentir avec la couverture. On a voulu rendre hommage à Moebius au début, puis on sent... On sent déjà, en fait, il y a déjà l'ambiance qui ressort un peu de ça, puis à l'intérieur, c'est assez varié. En fait, il y a Jour Zéro, qui est un récit d'anticipation à saveur bactérienne. J'essaie de trouver les mots pour le décrire. C'est un peu comme... l'histoire, c'est des robots qui se rebellent contre leur maître, en tout cas, puis... en tout cas, c'est ça... Et parallèlement, il y a aussi, tu disais, des premières vitrines, Cyberprime, où là, c'est une première création, où on nous présente, et il y a un petit côté introductif dans cette histoire-là, où on nous amène dans un monde, on passe du réel vers la science-fiction, tranquille. C'est la transition, dans le fond. Oui, le style assez rough, mais très clean, assez réaliste aussi, mais dans un style sketchy, si on veut, fait à l'ordinateur, mais c'est vraiment bien, en tout cas. Et t'as eu aussi une sympathique, en fait, j'ai trouvé assez rigolote, la réflexion sur l'immortalité qui est proposée par Yann Brouillette, The Rose of the North, en fait, donc oui, on l'a oui, vu. Oui. Donc c'est quand même assez... En fait, justement, c'est le côté plus humoristique qu'on amène dans ce segment-là, j'ai l'impression. Oui, il fait plein de gags, plein d'hommages. je sais pas, même une fois à Woody Allen, puis une fois, il a mentionné... un de ces plongeurs québécois, là, en tout cas. Il s'est défoulé, en tout cas, je pense. Il s'est pas mal amusé à la créer, cette histoire-là. On est vraiment chanceux de l'avoir dans ce collectif-là. Oui, parce qu'en même temps, il y a une belle expérience aussi avec, justement, Heroes dans la production et le reste. Donc, ça montre aussi que le réseau de Zidara 9 grandit au fil des volumes. Oui. On a fait un échange publicitaire avec eux. Ils sont vraiment cool, en tout cas. Puis, Yann Brouillette, il nous a offert... Deux courtes histoires, en fait. Deux pierres et un coup, celle que tu as mentionnée sur l'immortalité. Puis Bon Appétit, une histoire plus gore, plus horreur, mais pas mal science-fiction sur des créatures aliens et tout, là, en tout cas. Et parallèlement, donc tout ça, on le sait, on l'a mentionné, ce sont des courtes histoires sur des nouvelles, et généralement, c'est des 8-9 planches et plus, parfois, et moins également, dans le cas de David Gauthier. Dans la mesure où ce que tu proposes au lecteur dans le volume 3 d'Zidara 9, c'est une série de très courtes histoires, donc des une planche, qui s'inscrivent, cela dit, dans un contexte beaucoup plus large. Alors, peux-tu nous présenter un peu, justement, qu'est-ce que tu proposes dans le volume et le contexte dans lequel ça s'inscrit? Oui, c'est quand j'ai rencontré Rémi, puis qu'il m'a proposé de faire 8 pages, je travaillais déjà sur un projet de bande dessinée. C'est une bande dessinée qui va avoir 64 pages. C'est une histoire au complet avec un personnage principal. Mais je pense pas avoir le temps facilement de faire un scénario de 8 pages pour rentrer là-dedans. Mais il y avait un de mes amis qui était là, Emmanuel, puis il me dit « Ouais, mais tu me parles tout le temps de tes figurants qui sont dans les cases. Pourquoi tu les utilises pas pour faire tes petites histoires? » Ah, quelle bonne idée! » Ça fait que finalement, je suis allé chercher dans les cases des fois des personnages qu'on voit à une seule place dans ma bande dessinée principale. Puis je les ai pris, je les ai amenés en premier plan, puis là on voit leur personnalité. En même temps, on aborde au travers de ces personnages-là des aspects qui vont être traités dans mon projet principal. Puis c'est une page, une présentation d'un personnage, une autre page, une autre présentation. Dans le fond, c'est un portrait, d'où le titre de Portrait lunaire, qui est une série de 8 petits portraits. Et dans le fond, l'idée, c'est d'aller directement droit au but. On part avec un élément, mais il y a quand même une notion de récit, une réflexion qu'on développe au fil de... C'est pas un portrait statique, là. Non, c'est pas fait aussi pour qu'il faut avoir lu la bande dessinée qui est en production pour comprendre. Il y a quelque chose d'accessible, dans le fond, pour quelqu'un qui a jamais vu tout ce qu'il y a en arrière. De toute façon, c'est pas encore sorti. Ça s'en vient. Mais ça donne un avant-goût du monde. On voit que il y a une profondeur derrière ça, puis on peut faire des parallèles avec aujourd'hui. C'est fait pour faire travailler le lecteur aussi. Oui, ben en fait, je voyais ça comme une valeur ajoutée dans la mesure où, je veux dire, là, je découvre les portraits et quand je vais lire l'album, ben, subitement, les personnages ils vont peut-être prendre un peu plus d'importance pour moi que pour le lecteur qui n'aura pas eu cette introduction-là, dans le fond. Ça va être un jeu de chercher. Comme je dis des fois, ça va être une personne loin en arrière-plan. On la voit dans une seule case, elle dit rien. Mais c'est elle, on la reconnaît. Hey, c'est elle dans le portrait. Là. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir tel ou tel personnage plutôt que d'autres, de choisir? Est-ce que tu avais l'impression qu'il y en avait qui avaient plus apporté au niveau narratif ou qui t'avaient plus inspiré quand tu les avais dessinés? Ou... Je dirais que je ne les ai même pas choisis. C'est quand je fais mes figurants, j'ai pas de contrôle. Ils apparaissent, je dessine des traits au hasard, puis à un moment donné, ah tiens, il y a quelqu'un qui est apparu là. Puis au travers de ceux-là, il y en avait qui avaient l'air d'avoir une personnalité, quelque chose dans le regard ou... Même position, puis là, je regardais longtemps, je dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, il y en est sorti vite comme ça, qui ont été mis de l'avant, puis ils sont sortis de par eux-mêmes, j'ai rien fait. Donc, de manière instinctive, on a développé, puis est-ce que t'as scénarisé aussi pas mal le portrait, ou encore là, c'est un peu l'instinct qui a été mis de l'avant d'abord, puis ensuite structuré? Je dirais que j'ai pratiquement laissé parler mon figurant. Hein. Je l'ai regardé, puis je me dis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce visage-là, cette émotion-là sur une seule case. Puis ensuite, ben, l'histoire s'est faite, elle n'a pas eu d'elle-même. J'ai juste eu à la couper, puis à la faire rentrer dans une page. Et même carrément, il y en a une, c'est carrément une plan, une case oui. Aussi. Donc, comme quoi, on peut être succinct. C'est souvent, on dit que c'est le défi aussi, en fait, aussi difficile d'être bref que d'être... Que de développer une histoire sur 64 pages, justement. C'est... Oui, je dirais les deux extrêmes sont difficiles. Y aller en trois cases, c'est vraiment difficile. Une page aussi. Y aller en 64 pages, c'est dur aussi, parce que là, t'as la durée. Mais oui, être bref, c'est aussi une bonne difficulté. Là. Réussir à tout passer son message, savoir ça, c'est important, ça doit être coupé, puis trouver l'équilibre. Et Portrait lunaire, il y a un des portraits d'ailleurs qui est un mineur sur la Lune, donc ça nous amène un peu dans l'ambiance de l'histoire que tu es en train de développer, dans lequel j'imagine enfin, il va y avoir des éléments liés avec l'exploration spatiale, avec les ressources, avec... Oui, la gestion de ressources, rentre en ligne de compte. Ensuite, les répartitions des tâches, savoir jusqu'à quel point tu es récompensé par une société ou pas, qu'est-ce que ça apporte de travailler pour le collectif, pour soi-même, c'est... question d'équilibre, de réflexion. Ça. Parce que dans les portraits lunaires, il n'y a pas juste quelqu'un qui mine, il y a plusieurs autres aspects qui sont abordés. Finalement, on peut faire, comme je dis, c'est une question de faire des parallèles avec société aujourd'hui. Il y a la scène club, il y a des trucs plus familiaux, il y a les guerres politiques, il y a des éléments qui transparaissent, dans le fond, au fil des portraits, qui donnent des indices sur ce que tu vas proposer en album. Oui. Et est-ce que tu as l'impression que dans le fond, ça t'a permis aussi de replonger comme ça sur ta BD, d'aller t'amuser à voir un peu, à farfouiller aussi dans tes cases? Ça t'a amené un autre regard peut-être sur la BD que tu es en train de compléter? Ah oui, ça c'est clair. J'ai eu beaucoup de fun à faire ça. J'ai appris sur ma bande dessinée en regardant ma bande dessinée. Parce que même... Jusqu'à un certain point, on est en contrôle de ce qu'on fait en bande dessinée. Mais jusqu'à quel point on est conscient, des fois, c'est ça qui est drôle. Je montrais mes pages à un de mes amis, puis il me disait « Hey, ça, t'as-tu pensé à ça? C'est vraiment fort, cette case-là, quand tu l'as faite. Quelle bonne composition! Je vendrais pas de punch, mais là, j'ai dit « Ah non, c'est un accident, ça. J'avais pas pensé que ce détail-là avait un sens dans cette case-là. » Ça veut que, oui, faire mes portraits lunaires, ça m'a permis de comprendre ma bande dessinée. Et en même temps, dans le contexte aussi, en plus, où jusqu'à récemment, en fait, je disais sur ton blog, le David de Gauthier avec des traits d'union, .tumblr.com, où tu étais beaucoup en mode aussi revision pour t'assurer justement de la cohérence du récit au niveau graphique, au niveau narratif. Jusqu'à récemment, du moins, tu étais vraiment en mode revision et préparation. J'ai fait un bout où il y avait des révisions. Pour qu'est-ce qui était du graphisme, faire quelques corrections de cases. Là, je suis en mode production, mais à la toute fin, je vais faire une révision de mes textes, puis tout renettoyer, essayer de simplifier, justement, parce que il y a certaines cases qui sont trop longues, que je dis, ça, on peut supposer que le lecteur va le comprendre, il va le deviner. Puis je me rends compte aussi, à force, surtout en faisant mes portraits lunaires, c'est que moins on en donne au lecteur, plus il y a de place à imaginer. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. et on le disait, en fait, c'est une première expérience pour toi côté édition, donc on découvre tes planches là-dedans. Parallèlement, on les découvrira aussi avec cette autre BD. Et également, dans le volume 3 d'Hydara 9, il y a aussi d'autres personnages qu'on suit, j'ai l'impression, de volume en volume. Rémi Paradis, ton personnage de Tessa, qui devient, j'ai presque envie de dire, la mascotte, entre guillemets, de Hydara 9, c'est la constante. Qu'est-ce qui t'amène à avoir envie de l'exploiter, de l'explorer comme ça, de volume en volume? J'aimais sa personnalité forte. Comme certaines bandes dessinées de Mézières, c'est vraiment l'héroïne, puis elle vient donner un peu le pas à mon intérêt à faire de la bande dessinée en science-fiction. Puis donc l'idée d'un personnage fort qui prend les choses en main, qui prend le contrôle, puis qui débarque sur la planète, qui règle les problèmes en quelques planches, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis à chaque fois, j'explore de nouvelles planètes. Puis ben, je dis des planètes, mais c'est plus des personnages que j'aime. De mettre en scène de nouveaux personnages avec différentes personnalités. Comme chaque fois, c'est un nouveau monde, donc des nouveaux personnages comme c'était médiéval, puis là c'était un peu underground, genre downtown New York avec un genre de pimp, puis en tout cas des filles. Là. Des robots et des filles, une lutte entre. En fait, un petit côté action aussi, ouais, exploitation. Un peu revenir à la base qu'il y avait de l'action. On peut en voir dans celle-là aussi, genre elle se bat contre. Des personnages forts, puis là, les bas, c'est sûr, là, c'est l'héroïne, donc elle doit gagner, en tout cas. Et tout ça, donc, dans le volume 3, Rémi, est-ce qu'on est déjà en train de travailler sur le volume 4? Est-ce qu'on a déjà des espoirs? Je lance en plus l'appel pour ce prochain volume, ce sera de la science-fiction d'horreur, genre Alien, Frankenstein, ce genre-là. Puis ça va être pour octobre. Donc la date de tombée des textes. Oui, c'est ça. Mais le mois d'avant pour être prêt pour le mois d'octobre, c'est sûr. Et si les gens, justement, veulent avoir un peu plus d'informations là-dessus, jetez un coup d'œil aussi au recueil, c'est blog.zidara9.com. Donc pour l'information sur tout ça. Et David Gauthier, de ton côté, donc il y a la nouvelle, les courts portraits qu'on découvre dans le recueil. Pour ce qui est de la BD dont on a parlé, le gros projet... t'es en train de le compléter, tu vas te lancer ensuite dans la recherche d'éditeur. Oui, ça va être après ça d'aborder une nouvelle terre inconnue. J'ai pas encore fait d'approche par rapport aux éditeurs. Je commence à fréquenter justement les salons de bande dessinée, comme le Festival de bande dessinée de Québec. Là, j'ai pris des notes, j'ai contacté un peu des gens, j'ai regardé de quoi ça va être là. J'essaye encore de trouver ma place, ça va être quoi le prochain move. Puis si c'est pas par un éditeur, ça va être l'auto-édition. Je vais voir où c'est que ça va mener. Alors, ben, en fait, on espère avoir l'occasion de s'en reparler en cours de route. Mmh. Alors, ben, David Gauthier, Rémi Paradis, merci beaucoup à vous deux. Merci, là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Peut-être avant de se lancer dans un petit commentaire BD, deux activités dont je veux vous signaler la présence, ma foi, cette fin de semaine, notamment séance de dédicace du côté de l'imaginaire le samedi 25 mai de 13h30 à 15h30. C'est avec les auteurs Yves Rodier et Frédéric Antoine autour du nouveau tome de la série des aventures d'El Spectro, Trans-Amazonie. Alors ben voilà, donc ce samedi 26 mai, également mention, et c'est un peu incontournable dans mon cas, la finale de la Ligue québécoise d'impro BD saison 2012-2013. Alors deux équipes, les Oranges et les Rouges, qui s'affronteront sur la scène du Cercle au 228 rue Saint-Joseph-Est. Donc c'est dimanche 26 mai, 20h, c'est entrée libre, alors il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas essayer et ne pas expérimenter avec ce concept si ce n'est déjà fait. Et j'ai comme l'impression, en fait, des réflexions et des commentaires qu'on a reçus au fil de l'année, que si vous êtes déjà venu, ben vous avez envie de revenir. Alors considérez ceci plutôt comme un aide-mémoire. Alors au plaisir, en espérant évidemment vous revoir ce dimanche. Et en matière de commentaires BD, je suis tombé là-dessus. En fait, on dirait qu'à peu près toutes mes sélections sont toujours un peu au hasard, du moins parce que j'ai peu d'attentes finalement envers les bandes dessinées qui arrivent. Je me laisse surprendre. Et cela me surprit, pas nécessairement positivement, dans la mesure des émotions qui sont sollicitées et ressenties suite à la lecture de la BD, mais par contre très positivement en matière justement de l'efficacité par laquelle il nous amène vers ces émotions un peu difficiles et à travers aussi laquelle il maîtrise la composition, je trouve, visuelle de tout ça. Un album tout en orange et noir qui s'appelle Loin des yeux de Luke Pearson, c'est chez No Brow. Peut-être vous connaissez également cet auteur-là, il va faire un livre qui s'appelait Automne, qui avait aussi assez bien été reçu, à tout le moins de la part de la critique. Et dans ce cas-ci, dans ce one-shot Loin des yeux, ce que Pearson explore, c'est l'implosion d'un couple, donc une histoire d'amour qui se termine et l'ambiance lourde à travers laquelle justement cette fin est vécue par l'un des membres de ce couple-là. Donc on suit les derniers jours à travers principalement les yeux de l'homme, à travers les émotions qu'il ressent face à tout ça, à travers le vide que cette rupture-là lui amène à l'amène à ressentir tout ça de manière plus à travers une narration, on pourrait dire, donc principalement narrée, principalement amenée par quelques images, des cases qui s'étirent, qui s'étendent. Et un petit côté un peu paranormal qui vient se greffer à tout ça, donc des ombres, des fantômes, des âmes, des créatures extraterrestres qui observent les drames et les malheurs des humains dans des moments clés. On nous met en parallèle à ce qui se passe dans le récit d'autres courtes situations en une case, parfois absurde, parfois tragique. Donc c'est vraiment là quelque chose d'assez particulier au niveau de la lecture. C'est surprenant, c'est disons parfois ça nous décontenance un brin, parfois ça nous déprime aussi un brin, mais reste que donc c'est quelque chose qui fonctionne de bout en bout. On y découvre et on y réfléchit autour des mots qu'on prononce quand on n'y pense pas, les engueulades pour des riens, les non-dits, les incompréhensions, la rancune et évidemment le côté suffocant de ces situations là c'est raconté avec sensibilité, beaucoup de poésie, de douceur, de magie également. Donc c'est on est un peu dans une relation, je dirais pas amoureuse face à la BD, mais une relation particulière dans la mesure où on est entre justement la poésie, la beauté et la tristesse, la maladresse, le petit côté plus tragique également qui monte là-dedans, puisque c'est quand même un crescendo dans le vide existentiel. Alors vraiment, si vous avez envie d'explorer ce type d'ambiance là eh ben c'est certain que cette BD là risque bien de vous intéressé. C'est bien dessiné, c'est bien monté, c'est bien préparé et c'est subtil aussi à travers tout ça. Alors, ben moi, je vous dis, si c'est quelque chose donc qui vous intéresse, allez-y plonger sans heurts. Ça s'appelle Loin des yeux de Luke Pearson, c'est chez No Brow. On prend une courte pause. À venir, Francis Dernais, Pierre Bouchard, Marco Duchesne. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvignon et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Des rêves extraordinaires à réaliser ce vendredi. le gros lot du Lotomax est évalué à 30 millions de dollars. Lotomax. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz manouche avec Ben Charest et l'Orchestre de Belleville. Dans le cadre du 10e anniversaire des Triplettes de Belleville, Ben Charest et 6 musiciens vous offriront la musique de ce film nominé aux Oscars et lauréat de César. Musiciens, projection du film et même bruiteur en direct. Le 30 mai, vivez la musique à son meilleur avec Ben Charest et l'Orchestre de Belleville. Arrivez dès 19h pour la soirée thématique. Détails au palaismontcalm.ca. Vous avez un projet d'entreprise? Venez rencontrer les professionnels du Centre local de développement de Québec qui sauront vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet. Pour de plus amples informations, visitez le cld2québec.qc.ca. Après 2 années et demie de tournée, parcouru plus de 150 000 km et offert près de 200 concerts, la formation Isabeau et les chercheurs d'or fait sa grande rentrée à Québec. Je ne peux plus te chasser de mon... Le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain, le groupe offrira le dernier concert de sa tournée à l'endroit même où elle a commencé. Isabeau et les chercheurs d'or, de retour à Québec, une soirée inoubliable avec plusieurs artistes invités. C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain. Une présentation de CKRL. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Et on poursuit ici au 89.1 dans l'émission La vie en BD, en vous rappelant que si vous voulez réécouter des émissions, eh bien c'est possible de le faire via lavieenbd.wordpress.com. Les podcasts sont disponibles. Et un autre rattrapage, si on peut dire, qu'on fait dans la mesure où l'album a été lancé également à l'occasion du dernier festival de la BD, mais on tardait à le découvrir, on tardait également à en parler. Motel Galactique 3, comme dans le temps chez Pow Pow, c'est de Francis Desharnais et Pierre Bouchard. Les auteurs sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Allô. Et j'ai l'impression que vous êtes réglé au couteau. En fait, il y a un Motel Galactique par année lancé à peu près à la même période. Est-ce que c'était volontaire ou c'est un peu un rythme qui est arrivé par hasard? Oui, on voulait être les Woody Allen de la bande dessinée de science-fiction. Mm-hmm. On voulait qu'il y ait un timing là, que ça lâche pas et puis que... Ouais. Qu'on n'ait pas les longues périodes d'attente entre les opus. Ça. On voulait pas être les... c'est qui? Le gars qui fait des films aux 10 ans, là. Ah ouais, c'est ça. C'est lui-là, oui. Là. Terrence Malick. C'est ça. Ouais. et en même temps, comme pour les deux premiers tomes, il y a eu un peu des passages obligés. Et à chaque début de tome, on découvre aussi un petit côté anthropologique, j'ai l'impression, du futur que vous nous proposez. Et cette fois-ci, pour ce segment-là, c'est le hockey qui est à l'honneur. C'est un peu incontournable. Tournable, en fait, on s'est dit, on n'en a pas encore parlé, il faudrait le faire. Ou... Ben, effectivement, c'est tout à fait ça. Dans les deux premiers tomes, on essaie de faire un espèce de panorama de la culture québécoise, puis on parle pas de hockey, alors c'est quand même un incontournable. Donc là, ça allait vraiment de soi qu'il fallait inclure une portion hockey, même si moi, je suis loin d'être un amateur de hockey. Je pense pas que Pierre non plus le soit tant que ça, mais bon, c'est... C'est à date, ce qu'on avait parlé de hockey, c'était par rapport à l'ancien compte. Fait que bon, fallait quand même être plus proche du sport que ça. Là. Et comment ça se passe un peu? Ça s'est brainstormé un peu pour inventer le sport, pour réinventer le sport? C'est Francis qui s'est occupé de ça? Ouais, mais on a brainstormé à gang avec Luc Bossé, notre éditeur. Au retour du Festival de bande dessinée de Montréal l'année dernière, moi, je savais que je voulais faire de quoi qui allait avoir rapport au voyage dans le temps. Mais le reste de la structure était quand même assez flou. Puis avec Pierre et Luc, là, on a quasiment établi les bases de l'histoire là, entre Québec puis Montréal, entre Montréal puis Québec. Donc ça reste un peu les conditions de création. Je me rappelle qu'au deuxième, c'était un peu la même chose. C'est sur des coins de table pendant un festival. Là, c'est dans un voyage. Donc c'est un peu le côté bon enfant spontané qui ressort. Ben c'est ça. Moi, je trouve que ça nous a bien servi jusqu'à maintenant de laisser libre cours à notre spontanéité. Mmh. Alors, je dirais que c'est le flash qu'on trouve en gang. Après ça, toi, quand tu sais où tu t'en vas, où on a le flash, fait que ah, ça c'est bon filon, puis tu pars là-dessus. Ouais, exactement. Mm. Oui, puis après ça, tu laisses quand même aussi, de ce que j'ai compris au gré des entrevues, une certaine liberté à Pierre aussi. Donc au niveau scénario, c'est pas nécessairement du précis. Tu laisses l'espace pour combler des vides, rajouter des gags. Oui, combler des vides, je ne sais pas, mais effectivement, ouais, il y a le dans ma façon d'écrire, moi, ce que j'aime, c'est être surpris. Donc, même si, là, entre le tome 1 puis le tome 3, il y a quand même une évolution dans ma façon de scénariser, où, dans le tome 3, je suis quand même assez précis dans la mesure où, bon, je lui dis, bon, case 1, tu me mets ça, case 2, tu me mets ça, le personnage dit ça, blablabla. Puis, mais quand même, Pierre arrive à, je dirais, à jouer avec ce que je lui offre, puis il en tient pas forcément compte et en rajoute. Ce qui fait que moi, quand je vois les pages pour la première fois, ben j'ai plein de surprises. Puis en général, j'ai rien à redire, là. Ben, surtout pour le tome 3, il me semble, j'ai rien redit. C'est comme dans Ding et Dong, le film, quand il joue le Cid, Ding, il met tout le temps des petites jokes, il remet des petites jokes, c'est ça qui est drôle, des petites jokes. Donc des bulles, l'ambiance, des éléments, exemple. Ouais, c'est ça. Quand je sais pas, quand ça l'ambiance le permet, là, quand je fais ça pourrait être drôle qu'ils disent ça. C'est, des fois, c'est pas grand chose. Vers la fin, un peu plus, là, quand on fait le tour du Québec, c'était les indications de Francis, c'était bon, les deux pièces sont en Abitibi, point. Donc c'était moi à faire ma recherche, puis même chose pour Québec, Montréal. Donc c'est pas mal mes impressions de ces villes là. Personnel. En essayant, évidemment, j'imagine aussi de garder une cohésion dans les gags, que les propositions s'insèrent dans le scénario, puis dans le fond. Tout ça se fait de manière assez organique, de ce que j'en comprends. Ben, des fois, ça donne juste une petite couleur de plus au mm-hmm. personnage. Là, c'est un petit trait de caractère, des fois, qu'on va déceler là, par rapport à ce qu'il peut dire. Là. Et qui viennent se rajouter aussi à la proposition visuelle que tu fais, qui est dans l'esprit du reste de ton travail aussi, mais qui est, en fait, on se demande toujours quand on voit ton travail, la part de spontanéité, puis la part de spontanéité travaillée, si on peut dire, tu sais, des fois dans les petits défauts au niveau du crayon, les traces de crayon, des choses comme ça, tu sais, il y a une finesse dans la spontanéité que tu proposes, je trouve. Il y a même ben celui qui scanne, Vincent Giard, qui fait aussi de la bande dessinée, que c'est lui qui aide notre éditeur à mettre ça en branle, là. Il fait aussi du petit travail il va décider de rehausser des effaçures, des trucs comme ça. Entre l'éditeur et lui, il s'en parle beaucoup, c'est ce que j'ai su en fin de semaine. Ouais, à déterminer, bon, cette tâche-là, est-ce qu'on la laisse? Est-ce que c'est une vraie tâche ou est-ce que c'est une trace de doigt? Ou... Ouais. Est-ce que c'est une trace de doigt volontaire ou non? Et tout ça, dans le récit, en fait, Francis Dernet, tu mentionnais le volet voyage dans le temps. L'idée, et c'est un peu ce qui ressort aussi à travers le hockey, c'est de montrer un peu l'inconfort du Pierre Bouchard 1.0 face au futur, et de montrer un peu qu'il a envie de retourner dans le temps, puis de l'amener à retourner, dans le fond, vers chez lui, vers son époque. Oui, c'est la prémisse... même du livre, là. L'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur. Oui. C'est de là que ça partait. Puis c'est un peu ça, c'est ça. C'était l'intention de départ, que Pierre 1.0, il s'emmerde dans le fond, dans le futur, ouais. Puis il a envie de revenir. Oui, puis ça fait boucler une boucle, j'ai l'impression. En fait, je veux dire, on revient un peu, on revient vers le début du premier, au bout du compte. On renvoie le premier clos. Oui, ça se termine un peu en boucle, on peut dire, mais, en boucle plus, là. C'est pas tout à fait, on revient pas à la première page du 1, là. C'est pas comme l'Incal, mettons, là. Mais, mais c'est vrai, c'est une autre influence qu'on a, l'Incal, sans s'en rendre compte, là. Fait que, je sais pas c'est quoi, par le fond, toi. C'est l'affaire de Moebius, là. Ah, ok. Oui, je les connais. Et à travers tout ça, ben j'imagine on explore aussi, ça vous permet en tant qu'auteur, en tant que dessinateur, d'explorer d'autres facettes justement de votre univers, mais d'autres perspectives, d'enrichir vos personnages au bout du compte, puis ben, de pas se répéter de tome en tome. Ouais, puis ce tome-là, moi ce que j'avais un peu en tête, c'était qu'il y avait un peu plus d'émotion que dans les deux autres. Dans les deux premiers, c'était surtout de la déconnade. Puis dans le troisième, il fallait que ça soit ça aussi, mais avec cette idée-là de retour dans le temps, ben là, je me disais, ben, il y a une notion de nostalgie qui embarque en ligne de compte, veux pas. Puis je me disais, ben, comme là, ça va être un peu la séparation des héros, ben ça va amener un élément qu'on avait peut-être pas vu venir dans la mesure où justement même si c'est des héros qui font des niaiseries, ben ils sont capables d'émotion aussi. Mm-hmm. Donc c'était le fun aussi d'aller jouer dans cette gamme là. Puis de justement, je pense que ça a bien nourri les personnages, ça leur donnait une petite profondeur là, qu'ils avaient peut-être pas dans les deux premiers tomes. Moi, je pense que s'il y a des gens qui sont en histoire de l'art, qui ont envie de travailler sur un sujet, là, c'est super intéressant nos BD. Oui, oh oui. Parce que c'est vrai, là, auto-science-fiction, c'est ça qu'on a, c'est l'auto-bio-science-fictionné. Oui, parce qu'on, ben vous gardez toujours, cela dit, justement, l'idée d'auto-référence à travers ça, même vous le poussez un peu en clin d'œil vers la fin, Pierre Bouchard qui se met à écrire Île aux ours, Francis Dernay qui se cherche en tant qu'auteur et qui apparaît dans le livre aussi, donc il y a un plaisir, j'imagine, à faire ces petits clins d'œil-là qui... Ben, jouer avec les codes, jouer avec ce code-là de l'auto-bio en bande dessinée. Ça a un peu commencé comme ça, Motel Galactique, fait que je pense on essaie de le garder un peu tout le long, mais c'est vrai que dans le 3, ça revient peut-être un peu plus fort, surtout vers la fin. Mm-hmm. Avec la montée émotive. Avec la montée émotive. Et justement, cela dit, en fait, est-ce que quand on décide d'entrer de jeu, dans le fond, on se dit, OK, ça va être une boucle qui va être bouclée, ou la finalité de l'album, c'est les héros qui tentent de se séparer au bout du compte. Est-ce que ça change aussi la perspective que vous avez en travaillant sur cet album-là, en sachant que, je veux dire, c'est... Bon, je vais vous le demander tout à l'heure, ou maintenant, mais c'est la fin d'un cycle, à tout le moins, c'est la fin d'une période pour cette série-là. Est-ce que ça change un peu la manière dont on l'aborde? Ben, l'écrivant... Ben, parce que, je dirais, pour ma part, oui, c'est la fin d'un cycle. Est-ce que c'est forcément la fin de Motel Galactique? Pas forcément. Mais oui, c'était la fin d'un cycle, mais en même temps, moi, j'avais l'impression de finir de raconter une histoire, puis toute bonne chose a une fin. Mm-hmm. Alors, je peux pas dire là, que j'ai eu une larme là, quand j'ai mis le dernier point sur la dernière page. Là. Fait que j'aurais pas d'émotion aujourd'hui. Je sais pas, Pierre. Ben, attends, il reste Pierre. Là. Oui, espoir. Non, j'ai pas pleuré. Ah. Non, mais c'est... Ben, j'étais ému quand même de revenir comme ça, l'espèce de petite de poste, le dernier épilogue, épilogue de l'épilogue. Au lac Saint-Jean, puis je trouvais ça super intéressant là, de dessiner l'île aux ours, même si ça m'a replongé dans mon premier album là. Je trouvais ça vraiment émouvant. Et à travers tout ça, il y a de l'émotion, on le dit, mais l'absurde reste aussi très, très présent. Qu'on pense, et ça a été cité ça et là, d'ailleurs, l'idée, par exemple, que pour voyager dans le temps, faut chanter la Bolduc en voyageant autour du soleil, c'est des idées, qui sortent un peu de nulle part, d'une certaine façon, mais qui sont cohérentes à l'intérieur de l'univers que vous proposez. J'imagine, en fait, est-ce que c'est un défi de créer un univers absurde, mais dont les règles, un peu comme pour le hockey ou d'autres choses, dont les règles doivent fonctionner à l'intérieur de l'univers, mais même si c'est... C'est une bonne question. Je peux pas dire que j'y ai vraiment réfléchi. Ceci dit, je pense que de par notre complicité aussi, nos références, notre génération, toutes les références qu'on a pu mettre dans Motel, ben elles étaient cohérentes de toute façon, tu sais. À un moment donné, pendant que tu posais la question, je me disais, ben peut-être qu'on, je pourrais dire que dans le fond, on se tenait à la culture québécoise, mais non, c'est pas vrai parce que on parle d'Elvis Presley, puis à un moment donné, dans le 3, on parle de, il y a des postures de Samantha Fox. Puis au départ, moi, c'était pas la Bolduc que je voulais qu'il chante. Je voulais qu'il chante du Bon Jovi, tu sais, mais je pense que ça aurait marché pareil. Reculer dans le temps en tournant autour de quelque chose, c'est Superman qui faisait ça. C'est Star Trek 4. Ah ouais? Superman, il le faisait aussi. Ouais, ça se peut, mais pour revenir dans le temps aussi? Il me semble. Ouais, je sais pas. C'est pas une affaire de barrage. Non. C'est possible. Ouais. J'ai pas écouté les Superman. Ça manque à ma culture. Ben là. J'avais la référence Star Trek, par exemple. Et parce que justement, c'est ça, c'est jouer un peu, et la série, c'est un peu la base de tout ça, c'est de jouer avec, de vous amuser avec vos références de science-fiction, avec vos références de culture québécoise, faire un beau melting pot, puis d'essayer d'inventer une histoire autour de ça. Ouais, ben c'est ça. Ben je pense que ça représente bien l'époque un peu dans laquelle moi puis Pierre on vit en ce moment, puis c'est ce qui nous a marqué quand on était petits, de justement de culture populaire québécoise mais américaine aussi. Ça, je pense que c'est ce qui fait la cohérence, c'est qu'on on a laissé aller ça sans censurer, puis sans dire ah ben on non on s'en parlera pas de ça vu que c'est américain, tu sais, mais en même temps la culture américaine nous touche et nous teinte, j'aurais envie de dire là. Donc ça aurait été nono de pas le mettre parce qu'en se disant ah, ben pff, ça serait peut-être pas cohérent. Puis en plus on s'était dit un peu nous autres on fait de la science-fiction, mais tu sais souvent dans les univers de science-fiction c'est hyper réfléchi, tout est pensé au poil près, tu sais. Puis nous autres on s'est dit ceux qui trippent à chercher les erreurs, ils vont avoir du fun parce que c'est quasiment juste ça tout le long là. Mais tu sais, on n'a pas voulu non plus faire de quoi d'hyper léché, puis bon, tu sais, c'est cohérent dans ce sens-là aussi. Il y a des failles, si tu veux savoir. Quelques-unes. Qu'on pourrait étudier aussi dans une maîtrise. En fait, on a un correct. Notre correcteur en décelait beaucoup. Il lisait tout. Puis il y a des notes. Des notes sur les corrections. C'est ça, j'ai trois corrections. Puis là, je corrige tout ça. Et puis c'est écrit est-ce que. Non. C'est la fontaine de Tourny à un moment donné. Oui, c'est ça. Des règlements du hockey. OK. Un bonjour à David, si tu nous écoutes. Alors, on découvre tout ça, donc les références, l'absurde et le reste dans le troisième Motel Galactique et l'émotion, évidemment. C'est donc Motel Galactique 3, comme dans le temps, c'est chez Pow Pow. Francis Desharnais, Pierre Bouchard, merci à vous deux. Merci. Merci à toi. Et au plaisir. Toujours à la vie en BD, dernier extrait de la formation Dyad, tiré de leur album éponyme, ça s'appelait Dimension Reversing Dualities. Toujours donc ici à cette émission dédiée au 9e art et dans laquelle on a le plaisir d'accueillir Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Dernière chronique de l'année? Ben oui. La saison, en fait. Ben oui. Et Marco, ça va être en deux temps, en fait. On va en profiter, justement, de cette dernière présence pour faire des suggestions BD pour l'été. Mais avant de se lancer là-dedans, un mot sur les projets Manhattan de Jonathan Hickman. Ouais, ben, je regardais qu'est-ce qui était rentré, puis comme c'est un peu au ralenti, je me suis dit, tiens, on va se faire une dernière petit commentaire sur une nouveauté. Et pour le reste, ben, il m'est venu un flash, mais je te raconterai après... Mon commentaire sur un événement... écoute, on l'a constaté, les Américains dans le comics font de bonnes choses maintenant. Ils ont de bons auteurs, à la fois dans les grandes maisons comme Marvel et DC, et aussi dans les indépendants. Mm-hmm. Des scénaristes ressortent. On pense à Mark Millar avec son Kick-Ass. On pense à Bendis, on pense à tout ça. Mais il y a un jeune qui est en train de faire sa marque, Jonathan Hickman, qui est en train de montrer qu'on peut être non seulement intelligent, mais qu'on peut donner des aventures et des récits structurés, complexes et amusants. Jonathan Hickman, Hickman, en ce moment, c'est lui qui gère les New Avengers et les Avengers. Il est en train de nous préparer des trucs avec Thanos, ce méchant que on va voir apparaître probablement dans Avenger 2. Il a animé les Fantastic Four avec brio tout pendant la dernière année. Mm-hmm. Il nous a donné un récit. Une histoire du Shield qui fait encore des échos quand j'en parle avec les fans. Mais ces projets à part, ces projets indépendants sont tout simplement hallucinants. Et là, Delcourt, la maison d'édition française, vient de traduire et de nous rendre accessible un de ses récits qui s'appelle Projet, au pluriel, Manhattan. Qu'est-ce que le projet Manhattan? Eh bien, c'est tout simplement, on va suivre Robert Oppenheimer. Mm-hmm. Dès le départ, et tout le long, on va avoir les vrais personnages, mais dans des récits, disons, un peu plus éclatés. Donc, c'est de la réalité détournée. Voilà, on est à la veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on prépare effectivement ce projet Manhattan. Un général de l'armée américaine convoque Robert Oppenheimer et lui explique qu'il veut l'intégrer au projet Manhattan. Projet S. Et là, on va découvrir que Robert Oppenheimer a un frère jumeau, Joseph Oppenheimer. Que si toute l'enfance de Robert Oppenheimer a baigné dans l'apprentissage, dans la connaissance, Joseph, lui, ça a baigné un peu dans la violence, dans les tueries. Et tout ça pour arriver au point où Joseph a assassiné Robert Oppenheimer et a décidé de prendre sa place. Donc, on se retrouve avec un Oppenheimer psychopathe qui va être intégré à ses projets Manhattan. Et là, on va voir évoluer Einstein qui, lui, est en train de découvrir et observe un monolithe qui donne accès à une autre dimension. Tout ça peut s'ouvrir avec des moines tibétains qui sont enchaînés. Donc, c'est surréaliste. Un côté surréaliste, voilà. Surprenant. T'as vu le tableau? Oh. T'as vu le tableau? Et c'est tout le long comme ça. Avec des, on a droit à tous les événements importants, la bombache, on a le droit à la prise de scientifiques allemands. Alors, un des scientifiques allemands est un espèce de pété de la technologie. Il y a un bras mécanique. On a le droit aussi à une invasion de robots en bois de japonais. Et à la toute fin du premier tome, on a le droit à Roswell et des extraterrestres, mais disons que la volonté de Oppenheimer n'était pas de faire de la diplomatie. Alors tout ça finit en queue de poisson. Bref. C'est à découvrir, c'est un côté ludique. Voilà. Jonathan Hickman est comme ça, c'est tous les éléments. Tout ça est structuré à mesure que le récit avance, parce que lui est un freak de la structure, de l'organisation. C'est un. Je prends un exemple dans les Avengers, il a tout structuré la chose avec les héros qui sont de la même conformité, s'ils ont été irradiés, s'ils sont des dieux ou des deux. Bref. Une attention aux détails. Ah oui, écoute, et c'est complexe, mais en même temps, c'est très agréable à lire. Et on s'amuse beaucoup. Ça s'appelle Les Projets Manhattan. Jonathan Hickman est au scénario. Et c'est Nick Pitara. Un dessin tout à fait ce qu'il y a de plus correct, avec de tout en couleur, évidemment. Là. Et c'est chez Delcourt. Alors, à découvrir en route vers l'été. Ben écoute, à un moment donné, je me disais, de quoi, puis là je voyais les nouveautés, je me disais, l'été, pourquoi ne pas en profiter pour soit relire ou découvrir, dans certains cas, des séries qui ont été le fun. Tu sais, j'ai repensé à un truc, l'été, c'est là où on va en vacances, on voyage, on se déplace et tout. Et là, traîner de la BD, je le sais. J'y ai pensé, c'est un lourd. Peu compliqué. Oui. Mais voilà mon petit conseil. Dupuis a une collection d'intégrales qui s'appelle Magnum. Ces petites intégrales font la moitié d'un album. Ils contiennent trois albums de la série et ils ont dans leur catalogue des séries comme Jérôme K. Jérôme Bloch, Soda, Largo Winch, Jérémia. Donc c'est format, c'est de la BD format poche. Presque. C'est de la format médium. Et c'est agréable à traîner. C'est trois albums. C'est trois albums de la série. Cartonné? C'est cartonné, comme okay. de la BD. C'est en couleur. Mais c'est juste en le plus. Puis c'est beaucoup. Je pense que... Et Casterman ont le même format d'intégrale avec Canardo, le tueur, Adèle Blanc-Sec. Bref, c'est intéressant. Et... je savais pas, parce que souvent, en fait, dans des situations comme ça, moi, je suis obligé de me retourner sur les BD qui sont déjà édités en petit format. Delcourt en a beaucoup, Casterman en a pas mal aussi. Au Québec, c'est un format qu'on apprécie pas mal. Là. Ouais, et le Lombard vient d'en sortir trois d'intégrale de Gueule de bois de Feuster, qui est très très drôle. C'est Pinocchio devenu adulte et qui est agent secret. Et t'as James Ayler, une espèce de truc d'action de motard et tout. Bref. Je pense que pour l'été, replongeons-nous dans nos vieilles séries. Je pensais à ça parce que, bon, avec l'été, et c'est tous ces films qui sortent sur les super-héros, c'est une occasion aussi de redécouvrir... bon, il va y avoir Superman, il va y avoir aussi Wolverine. Mais à la télé, en ce moment, je voyais Canal Z passait 13, la série 13. Il y a eu un mauvais film, mais la série 13, et j'ai jeté un coup d'œil à un ou deux épisodes, et ça m'a donné le goût de peut-être reprendre la série. Et parce dans ce format-là, c'est très agréable. Ben, ça... Mais enfin, on les traîne à trois, et en même temps, c'est une série, il y a tellement de complots. Oui, on peut apprécier la série si on la prend au tome où c'est rendu, mais on gagne à revenir au début, puis à profiter du mystère. C'est juste ce qui a fait la force de ce récit-là, c'est Van Hamme, c'est le travail qu'il a mis en place. Et chaque album de cette collection-là varie entre 25 et 30 $. Pour trois albums, quand même. J'ai trouvé le rapport qualité-prix. Glénat a aussi... reprennent toutes leurs séries de... Tu sais, tu te rappelles de la collection Vécu historique? Reprennent beaucoup de leurs séries dans un même format. À 24,95 ça s'appelle les intégrales de Glénat, et là t'as le droit à toutes les séries, les Éperviers, puis les Chemins de Malfaux, toutes ces séries d'un autre temps, mais qui sont peut-être belle occasion de revenir. Oui, mais en fait, puis j'ai l'impression que c'est peut-être les auditeurs se sont dit un peu la même chose qu'on se disait. Ben, la BD, ça se traîne mal. Mal, mais là, tu prends l'autobus pour un voyage genre Québec-Montréal ou Québec, je sais pas trop où. C'est le temps de trois albums. Et tu vas en famille, tu fous un tome d'un intégral comme ça et t'en as pour l'aller. Non, l'idée est bonne, effectivement. Voilà. Puis le panorama, de ce que j'en comprends, Marco, c'est large, ce qui est édité. Donc, c'est... À fouiller, je pense qu'on peut trouver son dû. Et deux derniers trucs, peut-être pour l'été, pour le côté intello, vient de paraître chez Futuropolis, Gallimard, le journal d'un corps de Pennac, qui est un de ses romans. Il vient de paraître illustré par Larsenet. Une méga brique. Tout le roman y est, et les illustrations, il y en a au moins une à deux par page. Et Larsenet, bon, on le sait, c'est l'auteur majeur de la BD en ce moment. Et la deuxième chose, c'est à peine sorti aujourd'hui, j'y ai touché, je l'ai regardé, je ne l'ai pas lu, c'est l'adaptation de L'étranger de Camus par Jacques Ferrandez. Alors, tout le monde, je crois, que pour les vacances qui s'en viennent, vont y trouver leur compte. Là, si quelqu'un s'ennuie, il va avoir affaire à moi. Et Marco, on t'en souhaite des bonnes vacances aussi. Hey, vous autres aussi. On se revoit en septembre? Ouais, si je t'ai invité, je viens, c'est sûr. Tu le seras. Marco Duchesne, merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'on conclut l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, Richard Valran pour Bûcheron et Forêt va être avec nous. Ami Vaillancourt pour Charlebois et Lusted Gang et Kissinger et nous. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente semaine au 89.1 CKRL.